soya Bible Élisée, na silisi na kotanga. Nyonso tu etikala sans effet, une goutte d'eau dans l'océan. Élisée, on dit mille langues, aïna nyokwama, na sana yo ya libela. Come on.